Bonux automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus d'80s le podcast. Je suis Mikado Twix, votre hôte pour ce numéro. Et pour ce numéro, je suis donc accompagné aujourd'hui de mon camarade Murdoch. Comment vas-tu, Murdoch ? Eh ben, ça va très bien, tranquillement. Belle soirée, tranquille à la maison. Alors, je vous l'avais annoncé lors de la publication du podcast sur les mystérieuses cités d'or. J'ai le plaisir de recevoir Yannick Rowe, qui est notamment l'auteur des réinterprétations des CD que nous avons connus au début des années 2000. Comment vas-tu, Yannick ? Bah, ça va bien, bonsoir tout le monde. Eh bah, écoute, en tout cas, nous, on est extrêmement content que tu aies accepté notre invitation, parce que on l'a longuement évoqué en émission, mais on trouve à la A-Team que l'OST des Mystérieuses Cités d'Or a une place chère à notre cœur, hein, parce qu'on est très client de cette musique. Alors, pour vous faire un petit peu le sommaire, on va dans un premier temps revenir un petit peu sur la genèse et les créateurs de cette OST. Bien évidemment, nous passerons ensuite sur diverses questions. Nous en avons énormément. On a été obligé d'un petit peu de se contenir des questions que nous avons autour de Yannick concernant son travail de réinterprétation des titres. Bien évidemment, on vous passera différents extraits de cette merveilleuse OST en vous expliquant un peu ce qu'elle nous évoque, et surtout Yannick nous expliquera son travail de réinterprétation dessus. Nous parlerons de son premier travail de réinterprétation à la fin des années 90. Et dans une dernière partie, pourquoi Yannick, en 2008-2009, a décidé de reprendre complètement sa copie à zéro. Moi, je voulais te remercier donc, d'avoir donné ton autorisation pour qu'on puisse réutiliser tes musiques pour illustrer le podcast. C'est toujours sympathique de pouvoir reprendre des morceaux qui viennent directement d'une personne qui a retravaillé tout ça. Donc, c'est vraiment sympa de ta part. De rien du tout. Ça paraît normal. C'est un travail de partage. Donc voilà, c'est en libre téléchargement sur mon site. Donc il y a pas de raison que ça puisse pas servir pour un podcast ou autre chose, quoi. En tout cas, vu que tu nous as autorisé, je te cache pas que je me suis mis, dès qu'ils ont changé de partie, pouf, je mettais un petit fondu, un petit habillage sonore qui, je trouve, donne énormément d'épaisseur au numéro. Alors, comme tu peux t'en douter, Yannick, on a commencé par une micro-interview de toi. On a mille et une questions à te poser, mon comparse Murdoch et moi. Déjà, question toute bête, mais quel est ton affect vis-à-vis du dessin animé ? Oula ! Ça, c'est déjà très loin. En fait, j'ai découvert la série, comme beaucoup de quarantenaires, en 83 à sa sortie, quoi. D'accord, donc pour situer un peu nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous donner ton âge, par contre ? J'ai 43 ans, en fait. On est à peu près dans la même tranche d'âge. Ouais, voilà. Je pense que, comme tout le monde, quand j'ai vu les premières images, ils ont su faire au niveau du scénario, ça inspire tout de suite à la rêverie. Complètement. Les musiques, qui étaient complètement nouvelles par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Donc déjà, à l'époque, elle t'avait porté, ces musiques. Complètement. C'était nouveau, quoi. On était habitué à des musiques, on va dire, plutôt à l'ancienne, dans des séries comme Tom Sawyer et compagnie. Et là, c'était l'ère de l'analogique, et du coup, d'un seul coup, on avait un truc avec des sonorités qu'on n'était pas forcément habitué à entendre, et puis pour le coup, pour la série, un traitement qui était vraiment innovant, quoi. Pour un dessin animé, en tout cas. Ouais, en tout cas, pour nous, ça nous paraît idiot, mais question, est-ce que tu es un musicien professionnel ? Ah, pas du tout. J'ai commencé la musique à l'âge de, on va dire, 5 ans, à peu près. J'adorais la batterie, j'ai écouté de la musique très très tôt grâce à mes parents, et je me suis intéressé un petit peu à beaucoup de choses, et dès 5 ans, je tapais sur des casseroles, j'avais besoin d'être batteur, et puis petit à petit, j'ai pris des cours de musique, donc j'ai commencé à prendre des cours vers l'âge de 7-8 ans. Donc, j'ai commencé par l'accordéon, parce que mes parents ne souhaitaient pas avoir une batterie à la maison pour débuter. Et, ça se comprend, hein. Ouais, ça peut se comprendre, quoi. Mais j'ai commencé à prendre des cours, on va dire, de solfège classique, parce que la batterie, c'est quand même un solfège un peu à part, hein, c'est pas du tout que pour des instruments comme le piano. Et voilà, moi je m'en foutais en fait, parce que voilà, pour moi ce qui était important c'était faire de la musique. Donc j'avais une passion, quand je voyais une partoche, j'étais en admiration devant une partition, il fallait que ça sorte. D'accord, et mais t'es en train de dire que, parce que je t'avoue que je suis un petit peu étonné par rapport à la qualité de tes différentes productions, que c'est entre guillemets, c'est juste un hobby la musique, c'est pas du tout vulgairement ton gagne-pain. Ah bah non, pas du tout, non, c'est vraiment une passion quoi, c'est un truc voilà, ça m'a jamais lâché. J'ai joué dans plusieurs groupes étant jeune quoi, étant ado, et c'est quelque chose qui fait partie de moi, j'en ai besoin, et voilà, ça n'a pas changé, ça fait des années et des années que ça dure. Bon, en tout cas, t'as répondu à mes différentes questions, parce que j'allais te demander par quel type d'instrument, parce que nous on a tendance à, par rapport à tes différentes productions, on se disait, oh bah, le gars, ça doit être un clavier ou quelque chose. Pas du tout, donc tu nous dis que c'est la batterie qui t'a fait venir à la musique. Ouais, complètement, ouais. Dans tes expériences de groupe, t'es toujours resté batteur ou t'as touché un peu à tout j'ai touché un peu à tout parce que on avait à l'époque, nos références étaient plutôt des groupes un peu new wave, genre Cure, Joy Division, Siouxsie, voilà, donc... Et il nous manquait toujours un gratteux, il nous manquait toujours un bassiste. Mais ouais, mon truc, c'est vraiment, à l'origine, c'était vraiment d'être batteur, quoi. Donc là, Murdoch va nous évoquer la jeunesse et les créateurs de cette OST. Mais avant, je vais vous proposer le générique chanté par Jacques Cardona. Le 16e siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquérerait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'hommes? Donc après cette écoute du générique chanté, Murdoch, est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ce projet musical ? Oui, alors voilà, c'est un petit peu comme tout ce dont on a parlé dans le podcast, hein. C'est toujours une histoire de rencontres, les collaborations, surtout à ce niveau-là. Et donc, en fait, Jean Chalopin a travaillé très tôt avec Saban et Chucky Lévy. Dès leur première série animée, donc Ulysse 31, ils ont commencé à travailler ensemble. Et en fait, Saban et Lévy ont produit toutes les musiques de dessins animés de la DIC, donc de la compagnie de Jean Chalopin, par la suite. Donc c'est vraiment une collaboration de longue date entre ces trois personnes, en fait. Mais en fait, Haïm Saban, il a commencé sa carrière de musique de dessins animés avec Goldorak, et qui a été un énorme succès. Et surtout, là où Saban a trouvé une voix qui n'existait pas, c'est dans le sens où il y avait en général donc un générique qui était produit par l'équipe d'origine, soit au Japon ou aux États-Unis. Et Saban venait et disait « Bon, bah, moi, je vous propose de réorchestrer pour l'Europe, entre guillemets, et je vais vous trouver des chanteurs pour vous faire la version française, la version allemande. » Ça veut dire que la version japonaise a été produite avant... Enfin, je te parle juste du générique, hein, audio, a été produit avant la version française qu'on connaît tous. En général, oui. En général, c'est comme ça qu'a démarré Saban en production. C'est-à-dire, il allait voir les boîtes de prod et il proposait ce point-là. C'est comme ça qu'il est arrivé, en fait, à Goldorak. Hein. C'est-à-dire, l'Europe voulait un petit peu européaniser le générique et lui, il a dit « Bon, bah, ok, moi, je vous le fais. » Après, il y a eu un problème, mais il y a eu une question qui s'est posée sur la distribution. Et lui, il s'est dit, Moi, je vais le distribuer et mine de rien, il en a vendu 1 353 000 donc dans 45 tours, double disque d'or. Et donc, en fait, c'est là qu'il y a vraiment... Un petit chiffre, on est d'accord. Hein. Voilà, mais bon, c'est ce modèle-là qui lui a permis de démarrer donc ce mode de fonctionnement et il va faire fureur avec la DIC hein, pour toute la suite. Mais bon, il va être quand même à l'origine, donc avec sa maison de disques Saban Records, il va faire les génériques télé de Dallas, Starsky Hutch, l'agence Tourisque, donc les versions européennes. Mmh. Des gros d'époque. Hein. Ouais, ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là où Chico Levi a été vraiment très très fort, c'est que par rapport aux musiques japonaises, c'est qu'il a apporté justement ce côté contraste entre les nouvelles technologies et le côté un petit peu ancien de la série. Et ça, on l'a pas du tout dans la bande originale japonaise. Quoi. Et puis surtout, ça colle tellement au sujet, quoi. Enfin, je trouve. Hein. Enfin, ouais. Tu voyages alors que... Bon, après, je suis pas du tout expert, hein, donc je mille excuses pour les connaisseurs. Mais quand t'écoutes, on va dire, la version japonaise, bah, t'as l'impression que ça peut se coller à n'importe quel autre type de générique. C'est exactement ce qui avait été reproché par Derriès et Chalopin au départ, puisque la musique, elle devait être faite au Japon. Mm-hmm. Et quand ils ont eu les premiers travaux qui avaient été faits sur la musique, ils ont dit « Ouais, les gars, c'est bien, mais pour nous, ça manque de contraste et ça colle pas assez à l'identité du dessin animé. » Et c'est là où ils ont cherché, entre guillemets, une voie alternative avec Saban et Levi. Bah, ils ont bien fait. Ouais, tout à fait. Alors... Yannick, moi j'ai une question, parce que on sait que c'est pas une, mais même au minimum trois fois que tu as complètement recommencé ton travail de réinterprétation, mais est-ce que tu as une idée de comment on prépare ce type de travail ? C'est-à-dire par rapport au script que tu peux avoir entre les mains, par rapport au scénario, à des storyboards, ou comme ça on te dit, bah voilà, le thème c'est le voyage initiatique, les cités d'or, Mexique, etc., pour tirer un peu le trait. Est-ce que tu as une petite idée de comment tu penses qu'à l'époque, on va dire le duo Levi, Chuki Levi et Saban, a pu concevoir cette OST ? Franchement, j'en sais pas grand-chose. À mon avis, d'après ce que j'ai pu lire et puis voilà, après des discussions avec des amis, je pense que Derriès avait des références musicales. Ah. Et du coup, en fait, à mon avis, il devait balancer les scripts en disant bah voilà, pour telle ambiance, j'imagine bien ce genre de musique, dans cet esprit, avec ce genre de sonorité. Justement, une de ses références, c'est Jeff Wayne. C'est vrai que quand on écoute ce qu'il a fait pour c'est La Guerre des Mondes, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Effectivement, on retrouve, je ne veux pas dire qu'on retrouve l'aspect musical des Cités d'Or, mais on retrouve des choses déjà qui avaient certainement dû inspirer à l'époque Derriès et dont il avait dû faire part, je pense, à Chuck Levy. C'est pour les musiques de Ulysse 31, par exemple. Voilà, j'ai jamais eu la chance de pouvoir discuter avec ces gens-là, mais je pense qu'il devait y avoir quelque chose comme ça, en fait, dire voilà, bon, à ce moment-là, il va se passer telle chose, parce que. Je pense que c'est pas comme aujourd'hui où on balance un extrait vidéo en disant bah voilà, colle-moi une musique là-dessus. C'était plutôt de la musique au kilomètre. Ouais. En disant bah voilà, on va couper au mieux, on va faire des. D'ailleurs, je trouve que les transitions étaient plutôt pas trop mal faites pour l'époque. Ouais. J'avais pas l'impression que les morceaux étaient coupés. Non, c'était propre. Ouais, c'était bien foutu. Et je pense que voilà, c'était plutôt, à mon avis, voilà, ils avaient l'esprit du scénario, le script et tout. Et à mon avis, on devait leur dire bah voilà, imaginez tel genre de scène, machin. Et voilà, je vous fais écouter ça. Voilà, c'est un peu l'esprit de ce que j'aime. Je fais une petite aparté. Bien sûr. Ouais. De bosser avec Alex Pilote, qui travaille donc pour le No Life. Et on fonctionne en fait de cette manière-là. C'est-à-dire que généralement, il m'envoie des vidéos avec des musiques témoins en me disant, bah tu vois, c'est un peu le genre d'ambiance que j'aimerais. Quand tu dis musique témoin, c'est un titre qui. Des musiques existantes en fait, que lui apprécie. Et qui fonctionne avec les thèmes qu'il a envie de développer dans ses émissions ou dans ses génériques. Et du coup, moi, ça me donne une base. Je me dis, voilà, c'est ça qu'il attend, c'est ce genre de sonorité. Et en fait, ça nous permet d'être raccord et de pas partir dans n'importe quel sens. Tu pars pas en vrille par rapport au sujet qui t'est proposé. Voilà, complètement. Et donc, j'imagine que, voilà, après, nous, on fonctionne comme ça. Je pense que c'est pas nouveau, quoi. Et je pense qu'Alex connaît bien son métier, donc je pense que s'il le fait lui de cette manière-là, c'est qu'il a certainement appris à travailler de cette manière, quoi. Donc là, tu nous as un peu évoqué tes différents projets auprès de No Life. Et est-ce que tu aurais éventuellement d'autres projets dont tu aimerais nous faire part ? Alors oui. Donc en fait, je fais partie d'un groupe qui s'appelle This Grey City. C'est des influences en fait post-punk cold wave. Ce qui est assez drôle en fait de notre projet, c'est que on s'est jamais vu. On est trois. Ah, mais on connaît ça, nous. Hein. Tu sais, on fait ça sur Skype, comme tu as pu t'en rendre compte. Et j'ai des chroniqueurs dont je ne citerai pas les noms que je n'ai jamais vus. Hein. Donc voilà. Donc voilà, on est un peu dispatchés et en fait, on fonctionne tous les trois. On s'est rencontré sur un forum en fait musical à l'origine avec on va dire ce que enfin moi je l'appelle notre ingé son parce que c'est vraiment notre magicien du son. En fait j'avais posté un morceau et voilà, il a rebondi dessus, je me dis tiens, le mec il connaît ça, c'est sympa quoi. Et en fait on a décidé de se dire bah, tiens, est-ce qu'on se fera un projet ensemble pour voir ce que ça donne. Et puis on a commencé à faire un morceau, j'ai envoyé le truc, il a rajouté une gratte, un synthé, et puis on s'est dit ouais, c'est bien, il faudrait qu'on trouve un chanteur. Et puis en fait on a trouvé un type sur le même forum, en fait, qui n'avait rien à voir avec notre culture musicale. C'est extraordinaire, ça. Qui est plutôt branché vieux hard rock des années 70-80. Mais le mec avait un timbre de voix qui fonctionnait tellement en fait, avec ce qu'on a envie de faire. On lui a proposé le projet. Et sympathiquement, il a dit « Ouais, bah, j'accepte de faire un test. » Et puis, il s'est laissé prendre au jeu. Et avant l'été prochain, on va sortir notre troisième album. D'accord. Et tu peux rappeler le nom du groupe ? Donc, c'est Six Way City, en fait. Ça fait référence à une passion commune qu'on a pour Paul Fiction, donc l'ingé son qui est en Belgique, pour un groupe, une sorte de participation de groupe, on va dire, entre le bassiste de Siouxsie et Robert Smith des Cure, qui avait créé un groupe qui s'appelait The Glove, dont ils avaient créé un morceau qui s'appelait This Green City. Et on s'est dit, bah tiens, on va s'appeler comme ça, pour leur rendre hommage, quoi. D'accord. Bah, nous ne manquons pas de mettre le lien dans le billet de l'article. Friends from the crowd, friends from the crowd. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait quand même eu une sortie physique, à savoir un disque 33 tours vinyle en 1984 par Saban Records, qui a été vendu à 500 000 exemplaires. Évidemment, il y a eu des livres-disques de moins bonne qualité. Alors, moi, j'ai une question, Yannick. Parce que ce disque, je te cache pas que depuis qu'on est à fond préparation des Cités d'Or, je me suis mis en quête de le trouver. Parce que, bon, je trouve que c'est un objet collector. Et est-ce que tu as une petite idée de combien cote ce disque 33 tours ? Alors, en fait, j'ai eu deux exemplaires du 33 tours. Ah. Un qui m'avait été offert par Alex Pilote. Ah oui. Justement, pour me remercier du travail que j'avais fait à l'époque sur France 5. Donc. Ah, on a déjà eu l'occasion d'en parler des France 5. On avait fait un numéro sur les Sentai. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert cette série pour les besoins de l'émission. Ça fait peut-être un an que je connais. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette série. Hein. Ouais, c'était marrant. Et puis, ce qui est surtout intéressant, en fait, quand on connaît un petit peu l'équipe et leur travail, c'est la passion, en fait, la passion qui les anime, avec des petits moyens, et de voir comment le projet a évolué. C'est ce qu'on avait souligné à l'époque, parce que on était... Enfin bon, après, c'est un aparté, mais on avait vraiment souligné le fait que c'était pas une parodie, mais un hommage. Ouais, ouais. Avec, certes, les moyens de bord, mais un véritable hommage avec les codes des Sentai et tout. Donc, on l'avait souligné. Mmh. Et donc, pour en revenir à notre histoire de 33 tours, donc Argus, c'est Murdoch qui me l'a communiqué, j'imagine c'est l'Argus actuel. Est-ce que tu as une idée de combien il faudrait de deniers pour obtenir ce disque ? Bah, alors donc, moi j'ai eu, donc, ce que je disais tout à l'heure, j'avais eu deux exemplaires, j'en avais racheté un deuxième, que j'ai revendu à votre ami Damien Trémollet. Ah bah oui, Damien de Animino Mélodie, qu'on salue chaleureusement d'ailleurs. Voilà, et à l'époque, je l'avais acheté 150 euros, je crois. D'accord, bon, alors écoute, en tout cas, je ne sais pas si la fiche de Murdoch est fausse, mais nous avons noté qu'il faudra débourser à peu près une 130 euros, que je trouve déjà bien conséquent, hein, mais en tout cas, voilà, moins de 100 euros, malheureusement, c'est compliqué. Et toi, pour avoir possédé cet objet, est-ce que tu pourrais rapidement, hein, évidemment, nous parler de la qualité des titres proposés, et peut-être la qualité de pressage également ? Bon, si on parle de la qualité sonore, forcément, c'est un super boulot. En même temps, je suis pas objectif, hein. Non, non, non, mais au contraire, on est là pour t'écouter. De fan complètement débile de cette musique. Par contre, c'est plus le choix des titres, en fait, qui m'a toujours déçu. Parce que je suis plus... Enfin, dans les cités dehors, voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les musiques d'ambiance. Ouais. Le thème de Ziga, le thème de Tao, le thème d'Esteban, j'ai franchement du mal. C'est vraiment des titres que j'ai même pas prévu de reprendre pour le Grand Héritage, parce que c'est pas un truc qui m'éclate. Enfin, je la connais pas la playlist, c'est pour ça que je te pose la question. C'est plus ces thèmes-là qui avaient été retenus à l'époque sur le 33, alors. Oui, c'était aussi une affaire commerciale aussi. C'était proposer des titres Évidemment. qui n'existaient pas dans la série, parce qu'on ne les a jamais entendus, ou alors sous une autre forme, en version instrumentale. Après, c'est un choix et c'est normal, il fallait qu'ils vendent leur truc. Mais moi, ça m'a jamais plu plus que ça d'entendre des morceaux qui passaient pas dans la série. Oui, je comprends bien. Alors là, on parle évidemment musique. On va vous passer un premier extrait, donc à savoir Le Feu de Saint-Elme, et on en discute juste après. Alors, il faut savoir, donc d'après un excellent site internet que nous vous conseillons qui s'appelle legrandheritage.com, parce que on en parlait encore en préparant l'émission, malheureusement le .mu a disparu. Je trouvais que c'était la meilleure extension de site internet au monde, hein, parce que ça fait évidemment référence au peuple mu. Donc d'après ce site, c'est la déclinaison du thème Le Vol du Condor qui apparaît pour la première fois à l'épisode 2. Alors déjà, je vais m'adresser à Murdoch. Qu'est-ce que ce titre t'évoque? Alors moi c'est un thème que j'ai vraiment bien aimé réécouter parce que bah, ça a un côté vachement énigmatique et qu'on retrouve beaucoup de fois dans la série puisque bon les enfants vont avoir plein de petites aventures, plein d'énigmes et c'est un thème qui est très doux, qui reprend vraiment bien l'ambiance de certains passages un petit peu voilà un petit peu entre deux de la série et c'est vraiment une réinterprétation que j'ai pris plaisir à réécouter. Ouais. Enfin, après, je suis pas musicien, donc évidemment, j'attends ton expertise, Yannick. C'est que je trouve qu'il y a deux types de nappes, à savoir des hachurées et des douces, qui, je trouve, enfin, fonctionnent bien, qui se superposent bien. Alors, est-ce que déjà, tu peux nous parler un peu, parce que c'est le titre que tu avais retenu, et l'affect que tu as par rapport à ce titre, Yannick? Ouais, c'est un thème qu'on entend dès le premier épisode, si je dis pas de bêtises. Alors, sur le grandheritage.com, c'est nommé épisode 2, mais après, je me trompe peut-être. Ouais, c'est un thème qui est marquant, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait justement du côté innovant de la musique, c'est que ce genre de choses, on n'avait jamais entendu ça avant, en tout cas dans un dessin animé, quoi. Ce que tu appelles le côté hachuré, en fait, donc ça s'appelle un LFO, on va pas rentrer dans le détail technique, mais dans une musique, avoir un côté rythmique comme ça, une basse synthétique, c'était quelque chose de vraiment innovant. C'est-à-dire qu'au début des années 80, ce genre-là, je sais pas, pardonne-moi, j'ai vraiment pas les termes, je te parle avec mon ressenti de simple amateur de musique, ça se faisait peu ou pas du tout. Alors en dessin animé, même pas en rêve. En dessin animé, non, et puis en musique en général, enfin en tout cas traité de cette façon. Moi, j'ai pas connaissance de choses qui ressemblent à ça, quoi. En tout cas, traité de cette manière-là. Parce que bon, je pense que il y a le matos de l'époque, mais il y a aussi une ribambelle d'effets qu'ils devaient utiliser. Enfin, j'en connais pas les trois quarts. Faut savoir qu'il n'y avait pas les ordinateurs à l'époque, donc tout se faisait à la, non, à la non, main, non, entre guillemets, ça, avec les potards et tout. Ouais, c'est tout simplement magique. Dès que j'entends ce morceau, je vois les papillons d'or. Ah, mais tellement. Je vois le petit élor qui se dessine entre les vagues. Mais tu fais bien de le dire, Yannick, je me permets, parce qu'on en avait longuement parlé en émission, mais je trouve que la musique, c'est un personnage à part entière dans cette série. Parce que là, tu évoques ce thème, je suis sûr que les auditeurs se replongent avec nous. Là, tu vois les papillons, enfin là, je visionne et la scène et la musique qui va avec. Par rapport au thème, parce que c'est une déclinaison du vol du Condor. Oui. Voilà, de voir de quoi ils sont partis et à quoi ils sont arrivés pour faire cette déclinaison, c'est simplement magnifique. Là, on va passer à mon premier choix musical, à savoir, donc, c'est un petit mélange de divers thèmes des Cités d'Or que nous nommerons le Fils du Soleil. Alors là, moi, j'adore ce titre parce que là, on est vraiment dans une grande mélancolie hein, sur ce titre. Hein. À titre perso, j'ai vraiment l'impression de flotter sur ces différentes nappes. Et puis, comme je l'ai souligné, enfin, je me permets de revenir dessus. Ok, là, on parle en gros fan du dessin animé, mais pris séparément sans avoir le moindre affect sur cette œuvre, c'est extrêmement agréable à écouter. Alors Yannick, et te concernant, parce que je crois que au risque de dire une ânerie, le thème que nous avons sélectionné, c'est un medley des différents titres, si tu peux nous en parler un petit peu, et puis surtout l'affect que tu as vis-à-vis de ce titre. Le Fils du Soleil, en fait, c'est plus une interprétation du rêve d'Esteban. Du rêve d'Esteban, voilà. Mais revu un peu dans une sauce, on va dire, moins analogique, avec du piano, la reprise de flûte, ce genre de choses, quoi. Bah écoute, je valide, parce que pour moi, ça faisait partie intégrante de cette série, parce que ce morceau, c'est personnellement, c'est peut-être un de mes préférés. Hein. Vraiment, c'est indémodable. Hein. Donc là, on attaque la partie 2, hein, Yannick, à savoir qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette réécriture. Donc, tout d'abord, quel est ton background musical et surtout tes influences musicales? Alors là, en fait, ça va vous paraître étonnant, mais en fait, ça n'a absolument rien à voir avec les Cités d'Or. C'est-à-dire, dis-nous tout. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, les gens qui écoutent les Cités d'Or aiment bien Vangelis, aiment bien Jean-Michel Jarre. Je t'avoue que ça m'a traversé l'esprit. Et toi, t'es un gros métalleux, quoi, non, c'est ça? Pas du tout. Non. J'ai plutôt une culture Cold Wave, New Wave. Oh, c'est pas non plus innocent. Enfin, je veux dire, c'est pas incompatible, c'est ça que je voulais dire. Ouais, non, mais effectivement, dans ce mouvement-là, il y avait beaucoup de synthé, beaucoup de choses comme ça, mais j'ai pas cette culture. J'ai écouté, alors on pourra en parler plus tard par rapport au matériel, mais je suis pas un fan du 100%, 100% synthétiseur. Faut qu'il y ait une chanson derrière. Voilà, faut qu'il y ait un truc. Non, faut qu'il y ait une émotion, mais là, en fait, c'est vraiment différent, parce que je peux pas dissocier la musique des Cités d'Or et tout ce que ça m'évoque derrière, quoi. Donc. Alors là, évidemment, on a la question qui nous brûle les lèvres. Hein. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer à la fin des années 90 à la réinterprétation de cette mythique OST? Alors en fait, c'est un vieux truc. Quand j'étais gamin, donc moi, j'adorais vraiment la série, et mes parents n'avaient pas de magnétoscope, donc on ne pouvait pas enregistrer les épisodes. Moi, j'avais vraiment envie de pouvoir les écouter, non pas forcément pour revoir les épisodes, mais pouvoir entendre les musiques. Mon père avait un vieux magnéto qui pouvait se brancher sur la télé, un truc mono. Du coup, j'enregistrais les épisodes comme ça sur la téloche, et je me les réécoutais, et ça me permettait d'entendre les musiques. Ah oui, d'accord. Déjà à l'époque, tu faisais, entre guillemets, avec les moyens du bord. Moi, j'ai les souvenirs d'un vieux radiocassette et que je le collais à l'enceinte, tu vois. Mais t'étais déjà mieux équipé quand même. Ah ouais, bah, j'ai commencé comme ça jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'il y avait une prise derrière. Et je me suis dit, je vais tester, et en fait, ça fonctionnait. Donc, ça enregistrait directement le son de la télé sans être obligé de fermer sa tronche pendant tout l'épisode, quoi. D'accord, donc déjà, dans les années 80, t'étais déjà client de cette musique. Ah oui, complètement, ouais. Et du coup, un jour, tu t'es dit, oh, c'est pas possible, Internet, ça se démocratise, il n'y a pas de CD qui existe, ça va pas du tout, je vais le faire moi-même, ou... Qu'est-ce qui t'a motivé? Ouais, c'est ça, en fait. Ah d'accord, en plus, j'ai ça en rigolant, mais... Non, mais c'est tout à fait ça, en fait. La première fois que j'ai eu accès à Internet, le premier truc que j'ai tapé, je crois que ça devait être Alta Vista, le moteur de recherche à l'époque, et je me suis dit, putain, faut que je trouve la musique des Cidadors. Ouais, tu t'es dit, bon, là, c'est les, on va dire, Internet, ouais, ça se démocratise, il doit y avoir des sources plus ou moins légales, mais ça doit exister. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Et là, je suis tombé direct sur le site à l'époque, qui était le site sur les Cités d'Or, hein, c'était le site de Gwenaël Longo, qui proposait quelques titres en MP3. Moi, je savais même pas ce que c'était qu'un MP3, je savais même pas comment on pouvait le lire. Et c'était qui, à l'époque, qui avait... C'était quoi, des pistes originales, ou c'était déjà des covers? Il y avait, comment dire, il y avait les pistes du 33 tours, avait été numérisé par je sais pas qui, et il y avait aussi des reconstitutions de Emmanuel Magnez qui avait prêté son travail, on va dire, à Logarithme. C'était pas Logarithme à l'époque, ça devait être AK Vidéo, un truc comme ça, ou exact, je sais ouais, peut-être, ouais. Et ils avaient sorti un premier CD avec ses fameux montages, il avait repris tous les passages où ça parlait pas, et puis il avait essayé de reconstituer au mieux les musiques. Alors quand tu dis reconstituer pour nos auditeurs, c'est-à-dire ça part d'une source et ça essaye de nettoyer les sons parasites ou Non, en fait, c'était simplement relever les passages où le morceau passait et supprimer tous les passages où il y avait du bruit, des dialogues, et assembler le tout pour que ça ressemble au morceau en entier. D'accord, ok. Et c'est vraiment essayer de faire du copier-coller de la source du feuilleton pour essayer de reconstituer le morceau en entier. Ouais, c'est carrément ça, ouais, en fait. D'accord, donc là, il n'y a aucun travail, entre guillemets, de musicien. C'est vulgairement... C'est du copier-coller le plus propre possible. C'est ça. Super mais montage. Bon, avec une certaine patience, parce qu'il faut quand même retrouver tous les passages où les morceaux passent dans la série. Donc, ça devait déjà être un sacré boulot. Enfin, moi, je sais pour l'avoir refait que ça demande du temps. Ah oui, puis surtout, c'est pas comme s'il y avait 3 ou 4 titres. Hein. C'est colossal, le ouais, nombre de ça, titres ouais, présents. Il y a plus de 80, ouais. Et toi, tu t'es dit, bah voilà, moi j'ai une idée, les gars, j'ai quelques notions, ou non, j'y connais rien, je vais vous faire ça à l'oreille. Enfin, si tu peux nous dire un petit peu comment a vraiment germé cette idée, et surtout, comment tu t'es vraiment lancé dans ce projet. Bah en fait, c'est tombé pile poil à un moment où j'étais assez inoccupé, on va dire, j'attendais une réponse de l'armée, donc après coup, j'avais pu enfin avoir un magnétoscope chez mes parents, et donc j'avais réenregistré, parce qu'il y avait eu des rediffusions, j'avais réenregistré tous les épisodes, et je me suis surmaté, et je me suis dit, c'est pas possible de pas avoir saisi, il faut faire quelque chose, quoi. Et à l'époque, j'avais rien en matos, quoi. J'avais juste une pauvre Sound Blaster 16, et puis ma gratte, 2-3 flûtes, je crois que j'avais même pas de synthé quand j'ai commencé. Donc je me suis dit, allez hop, on s'y met. Et au début, c'est ça qui est super rigolo, c'est que j'avais l'impression de faire un truc génial, et... En fait, c'était simplement tout pourri, quoi. Ah, t'as gardé les rushs d'époque? Ah ouais, j'ai tout sur cassette, ouais, cassette audio, ouais. T'as toujours tes cassettes d'enregistrement ah de la oui, série? J'ai tout, avec les jaquettes d'époque et tout. Ah ouais, c'était trop marrant. Je me laissais vraiment prendre au jeu. C'était, tu vois, limite, j'en étais arrivé à un point où je me disais, mais je suis sûr qu'en fait, il y a une cité d'or quelque part, quoi. Elle est dans la Sound Blaster. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, pour en revenir à ton, on va dire, ton premier travail de réinterprétation, tu faisais ça comment, à l'oreille? T'avais eu peut-être... Ouais, à l'oreille. À l'époque, ce que je faisais, c'est que je reprenais le système D. C'est-à-dire que je prenais le fameux magnéto de mon père, je mettais la VHS, j'enregistrais pratiquement tous les épisodes, donc j'avais plein de cassettes avec tous les épisodes. Bah, du coup, je repérais les passages où ça faisait pas trop de bruit pour que j'entende ce qui se passe. Et puis voilà, je refaisais ça à l'oreille, ouais. D'accord, donc en gros, ouais, t'avais à la télé avec la cassette vidéo, puis le casque de l'autre côté, puis t'essayais de taper les notes sur l'ordinateur Ouais, c'est ça en fait, ouais. Pour être au plus proche, d'accord. Mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est de prendre un des thèmes et de montrer un petit peu comment il est arrivé à maturité, quoi. Ouais, l'évolution, ouais, voilà, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a eu plein de versions, ne serait-ce qu'entre le moment où j'ai commencé, où j'ai été en contact avec Gwenaëlle, et les premiers trucs qu'on a mis sur son site en téléchargement, il y avait déjà au moins, je sais pas, 10 versions, quoi, 10 versions différentes du truc. Et à chaque fois avec l'impression d'avoir, ouais, ça y est, cette fois-ci, je suis vachement proche. Puis en fait, pas du tout. Touche plus. Il fallait vraiment que je sois motivé parce que ça, une Sound Blaster entre les mains, t'as 3 sons de violon à peine, quoi. Et tu te dis, oui, avec un petit peu d'effet dessus, ça va ressembler au Titeller. En fait, t'es content parce que tu le fais, parce que tu passes du temps, t'as plus de recul. Et en fait, quand tu l'écoutes, tu te dis, bah non, en fait, c'est vraiment pour les Titeller. Donc là, on va attaquer le premier choix de Murdoch, à savoir la colère de Pachamama. Alors, sur le site de Yannick, on peut lire que c'est un thème grandiose, l'un des plus utilisés pour la scène catastrophe. La colère de Pachamama ne fait pourtant référence à aucun autre morceau de la série. Et pour info, il apparaît pour la première fois à l'épisode 2. Alors, pourquoi ce titre, Murdoch? Ah, parce que j'adore l'entrée, en fait. Comme tu as parlé tout à l'heure des hachés au synthé. Ouais. Vraiment, l'entrée du morceau, je la trouve vraiment épique. Et en fait, bah, dans l'épisode, quand tu avais justement cette intro qui partait, tu te dis ouais, il va se passer quelque chose, il va y avoir un truc énorme qui va arriver. Et je trouve que ça lançait vraiment bien l'action dans le dessin animé. Et vraiment, c'est ça que moi, j'aime bien dans ce morceau, quoi. Et toi, Yannick, te concernant ce titre, est-ce que tu as un affect tout aussi particulier que nous? Ouais, carrément. Mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de morceaux en fait, que j'aime pas dans la série. C'est vrai. Déjà, donc... Le choix fut dur hein, pour remettre que 6 titres, hein, je te cache pas. Hein. Ouais. D'entrée de jeu, quand tu l'écoutes, il y a une catastrophe imminente. C'est vachement bien trouvé. On va reparler de ce que t'appelles les basses assurées, en fait. Tout à fait, ouais. Ça, c'est un truc que bah, ça claque dès le début, ça te fout moitié l'angoisse. Et ce qui est marrant, en fait, de ce morceau-là, en fait, ils ont été repêchés dans ce qu'ils avaient fait pour Ulysse 31. Ah, vas-y, développe. J'avais le 33 tours, en fait, et t'as un morceau qui s'appelle La Gloire Finale. Mmh. Je crois qu'il est uniquement dispo sur le vinyle. Je pense pas qu'il passe dans la série. Le début, c'est la même chose, quoi. C'est les mêmes accords, c'est la même tension. Et d'ailleurs, bah, je l'ai repris justement sur mon site parce que voilà. Il est nommé comment sur ton site? Il s'appelle La Gloire Finale. Thank you. Ah, exact. Oui, maintenant que tu le dis, ça me parle. Et je me disais, mais je connais, mais je sais... Enfin, c'est pas dans les Cités d'Or, ça me dit quelque chose. Et maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai que ça colle plus à l'univers du Ulysse 31. De mémoire, si je dis pas de bêtises non plus, David Collin l'a repris, mais lui, du coup, l'a retravaillé à sa sauce avec de la guitare et tout ça, pour en faire un morceau encore un peu plus, on va dire, énervé. Voilà. Après, ça change, mais les premières notes, quand on écoute ça, on dit, mais mince, mais... Les mecs, ils sont pas chiés, quoi. Et sur ce titre-là, en particulier, t'as une scène comme ça qui te... Ah qui bah te oui, complètement. Ou... Mais plusieurs scènes, en fait. C'est, voilà, tu vois l'Esperanza qui commence à se déstructurer. À sombrer, ouais. À sombrer, voilà. Enfin, beaucoup de scènes de catastrophe des Cités d'Or en ce morceau-là, justement. Et... Non, il est... Moi, je le trouve génial, quoi. Ah. C'est vrai qu'on ressent énormément l'inquiétude. Hein, ah bah oui, clairement. Ouais. Alors là, on va passer à ton second choix, à savoir le rêve d'Esteban. Ah. Alors là, encore une fois, sur ton site, c'est en toute objectivité, c'est nommé un superbe thème décliné du générique. Apparaît pour la première fois à l'épisode 2. Je reconnais que je suis plutôt bien client, donc déjà, si tu peux nous en parler un petit peu, Yannick. Alors, alors ça fait vraiment partie des thèmes que j'adore. Déjà parce que, au niveau composition, c'est assez terrible, je trouve. Il y a une grande émotion, en fait, qui passe dans ce morceau. Il y a une tristesse assez incroyable. C'est un des morceaux, je crois, sur lequel j'ai le plus bossé. Ah bah, je veux bien te croire, parce que moi, de ce que j'avais relevé, très sincèrement, quand on évoque la BO des Cités d'Or, c'est le titre qui me vient tout de suite en tête, parce que je pense que c'est probablement le thème le plus charismatique même du dessin animé. Hein. Enfin, je le trouvais même bien psychédélique, et en fait, ouais. je me suis fait la remarque quand on avait révisé pour les besoins de l'émission, j'avais le souvenir d'un Esteban malade en mer. T'as l'impression qu'il était vulgairement sous champignons hallucinogènes, parce qu'il plane complètement le type. Et là, Yannick rigole parce que je sais qu'il a l'image, tu vois, qu'il visionne la scène, et ça fonctionne du feu de Dieu. Limite, je te dirais qu'elle n'est pas de très bon goût, mais avec cette musique, c'est fabuleux, quoi. Je voudrais juste rajouter des choses par rapport à ce thème. Donc, en fait, je pense que s'il y en a vraiment un dans le lot que j'aimerais posséder en original... C'est vraiment celui-là. C'est-à-dire, il existe en 45 tours, ce truc, non ou... Non, pas du tout. Si un jour, on me proposait de choisir un thème des Cités d'Or... Ah, genre le master voilà. Et tout, si on te demande de posséder un master, ça serait celui-ci, pas autre chose. Ah, mais complètement, mais c'est un morceau, pour moi, qui est magique. Il y a vraiment une grosse force émotionnelle dans ce morceau. On retrouve, en fait, le thème du vol du Condor, qui est à l'origine un morceau plutôt planant, qui fait place à la rêverie, qui est décliné de manière, mais alors, magistrale. D'un seul coup, c'est tout devient mélancolique. Et j'ai fait, mais je pense, allez, sans mentir, une trentaine de versions. Pour donner un exemple, l'espèce de son de timbale qu'on entend au début. Oui, bien sûr. J'ai mis, mais je sais pas combien de temps, à essayer de trouver un truc qui pouvait s'en rapprocher. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'est un son qui est quand même percussif. Et la seule manière qui m'a permis de m'en approcher un petit peu, c'est de travailler avec un mini Moog. Qu'est-ce que c'est un mini Moog ? Un mini Moog, en fait, c'est un synthé analogique monophonique. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas faire d'accord. On peut jouer qu'une note à la fois. Ah oui, je vois, avec des potards et tout. Voilà, c'est ça. Exact. Et du coup, si je vous passais le son brut que j'ai fait avec le mini Moog et ce que j'en ai fait avec le traitement sonore derrière avec plein d'effets, vous me diriez mais c'est pas le même son. Je sais toujours pas avec quoi ils ont fait ça. D'où ton souhait de récupérer éventuellement le master pour te faire une idée. Donc, bah, messieurs Saban et Lévy, si vous nous faites le plaisir de nous écouter, n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein, Yannick serait très client de récupérer vos masters. Alors là, on attaque sur la troisième partie, à savoir ton travail de relecture à proprement parler. Hein. On l'a évoqué rapidement il y a quelques minutes, mais on va aller un petit peu plus loin dans les détails des sonorités d'époque, et notamment côté matériel. Alors, on parle de ton premier travail à la fin des années 90. Quels instruments ou équipements au sens large as-tu recherché pour parfaire le rendu de ton travail à l'époque? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, à l'époque, j'avais que dalle. D'accord, donc tu avais des émulateurs ou des... Enfin, je dis peut-être une bêtise, mais tu avais des instruments qui s'apparentaient à ce que tu recherchais ou tu faisais comme ça? Pas du tout. Pas du tout, en fait. J'avais, comme je disais, ma carte Sound Blaster. Et puis, j'ai pu m'offrir à l'époque, enfin, un synthé digne de ce nom, mais qui n'était pas du tout un synthé analogique, c'était un JP8000 de chez Roland, qui me permettait d'avoir des sonorités approchantes. En travaillant vraiment, en trifouillant la machine, ça commençait à ressembler à quelque chose. J'ai bossé, je ne sais plus combien d'années, je crois que c'est peut-être 4 ans avant que le CD sorte. Alors, on va creuser un petit peu l'aspect solitaire de ton travail. Quels sont donc les principaux avantages et les inconvénients de ce type de réinterprétation? Je pense que c'est un projet sur lequel j'aime travailler seul. Alors, à part pour tout ce qui est web, parce que je chante absolument pas et j'en ai vraiment pas envie. Et pour quelques petits trucs complémentaires que je maîtrise pas. Donc là, j'en reviens sur David Collin, en fait, qui avait rejoué une guitare justement sur Esteban en cavale et qui logiquement devrait retravailler sur certains morceaux avec des sauts de guitare espagnole que je suis bien incapable de jouer. Ah. C'est pas que j'ai pas confiance. Je suis tellement imprégné de cette musique que bosser avec quelqu'un qui aurait le même savoir-faire que moi m'apporterait rien, en fait. Oui, là, c'est un travail de passionné avant tout. Voilà, c'est ça. Bon, après, ça. Tu évoques David Collin. Pour les rares auditeurs de 80's de podcast qui ne se rappellent pas de qui c'est quand même juste le monsieur qui a non seulement fait une réinterprétation, mais a fait éditer toutes les musiques de la bande originale de d'Ulysse 31. J'attends d'ailleurs avec beaucoup d'impatience mon disque vinyle que j'ai kickstarté pour l'occasion. Alors, là, on va passer en 2002, quand l'éditeur Logarithme te propose de porter en CD ton travail. Déjà, quel souvenir tu gardes de cette expérience et comment ton travail, entre guillemets, personnel, s'est retrouvé édité et disponible dans toutes les FNAC et disquaires de France? Alors, ça c'est marrant parce que je me souviens exactement du moment où j'ai reçu le mail de Olivier Fallet. Qui me demandait si j'étais intéressé pour que mes musiques soient éditées. Alors, au début, j'y croyais pas. Je me dis, bon, c'est un mec qui se fout de ma gueule. Voilà, je connaissais pas du tout Olivier Fallet. Je suis pas spécialement un fan de la Japanimation et compagnie. Donc, je me dis, mais attends, mais c'est qui ce type et tout? Et donc là, je me tourne vers Gwenaël, qui me dit, bah oui, non, mais tu connais pas Olivier Fallet, machin, il a fait Radio Loustique et tout. Enfin bon, il m'explique le truc. Je dis, ah bon, bah c'est un mec sérieux. Du coup, je lui dis, bah ouais, carrément, c'est... Alors, si je peux te couper 2 secondes, en gros, Olivier a connu ton travail parce que tu avais déjà le site internet où tu proposais à l'écoute tes réinterprétations. En fait, Olivier Fallet a connu mes morceaux parce que Gwenaël avait gentiment proposé de les mettre en libre téléchargement sur son site. Donc c'est comme ça que Olivier s'est dit, oh là là, le travail, et c'est justifié, parce que moi-même j'ai le CD, je l'avais acheté à l'époque, s'est dit, là il y a quelque chose à creuser parce que, entre guillemets, aussi propre que les originaux. Ouais. Moi c'est mon point de vue. Après, on te sent l'éternel insatisfait, mais pour avoir des milliers de fois écouté ce CD, moi je trouve que le travail de réinterprétation est plutôt plus qu'honorable. Après, chacun a sa vision du truc. Moi c'est vrai que à l'époque j'y connaissais absolument rien en mixage, donc je faisais mes trucs. Alors ce qui m'intéressait moi, c'était d'essayer d'être au plus proche au niveau des sonorités. Et puis du déchiffrage musical. Parce qu'en fait, quand on est plongé dans un projet comme ça, pour vous donner un ordre d'idée, moi, je m'y mettais le soir après le boulot, Donc je commençais à bosser vers 20h, 20h30, et puis je m'arrêtais, il était 4h du mat, et puis je me levais à 6h, et puis j'allais bosser, et je remettais ça le soir, et ça a duré quasiment 4 ans comme ça. Donc à un moment donné, on n'a plus aucun recul sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que on est tellement dans son truc que bah on entend que ce qu'on a envie d'entendre finalement. Et il suffisait de 2 semaines où j'écoutais pas ce que j'avais fait, et là du coup je me dis bordel, mais ça ressemble à rien quoi. Quand Logarithme m'a proposé de déter mon travail, je me suis dit, faut tout refaire, c'est pas possible, je peux pas lancer ça. D'accord, donc en fait, entre le moment où Olivier Fallet t'a contacté pour travailler avec toi et ce qui a été édité, t'as repris ton travail de zéro, si j'ai bien compris. Quasiment, ouais, quasiment. Et t'avais changé de matériel ou t'avais toujours ta Non, non, pas du tout. Non, il n'y avait rien de neuf, il n'y avait rien de neuf du tout. D'accord, c'est juste toi qui avais un peu peut-être éduqué plus ton oreille et puis aussi appris plus les programmes aussi. Ouais, certainement, ouais, ouais, ouais. À l'époque, en plus, je travaillais pas du tout. Je travaillais sur un truc qui s'appelait Orchestrator Plus. Je sais pas si ceux qui nous écoutent connaissent un petit peu ce logiciel. C'était un truc, ça tenait sur une disquette. Ah oui. C'est dire le truc. Et on n'avait pas le droit à l'erreur, quoi. C'est dès qu'on enregistrait un truc, il fallait tout recommencer si on se plantait. Moi, je me souviens d'une fois, c'est la colère de Pachava. Et mon ordinateur a planté, j'ai rallumé le truc, et là, impossible de réouvrir le projet, obligé de tout recommencer. Oh là là là là, dur. Que quand ça te fait 2 jours de boulot dans les pattes, tu te dis, ah mince, faut tout refaire. D'accord. Je pense que j'aurais eu le matos d'époque, je me serais pas mieux démerdé parce qu'il me manquait des connaissances. Comme je vous le disais, moi, j'étais plutôt batteur à l'origine. Donc pour moi, m'intéresser à la synthèse analogique, c'était plutôt nouveau. En fait, j'étais même déçu. C'est curieux quand on y pense, mais quand le CD est sorti, ça aurait dû être ouais, super mon machin, il est en vente. Et en fait, j'ai reçu les machins, j'étais content parce que c'est Gonaël qui avait fait la pochette. En plus, j'avais délégué le travail. T'as pas ressenti ça comme un aboutissement? En fait, c'est un peu le truc con, le rêve de gamin, mais tu te dis, si ça se trouve, en CD, ça va sonner mieux. Bon, en tout cas, au final, sur l'expérience logarithme, qu'est-ce que t'en retiens? Plutôt une bonne expérience? Ah oui, complètement. Non, mais après ça, voilà, moi, j'ai eu la chance de les rencontrer aux cartoonistes pour signer mon contrat. C'était un moment assez magique. Oui, et puis quand on a un projet comme ça qui se met en place, et puis qu'on sent que voilà, ça va pas juste rester une copie CD pour les potes, oui. Bon, ça fait quelque chose. Et peut-être c'est indiscret, et t'as une idée de si le disque s'était bien vendu à l'époque? Alors, j'en ai parlé un petit peu avec Olivier. Apparemment, ça faisait partie des meilleures ventes, mais je pense que c'est surtout du fait que ce soit la Cité d'Or. Oui, ah bah oui, mais après, c'est au-delà du fait que ton travail était de qualité, c'est quand même on l'a longuement évoqué, c'est quand même une musique qui a marqué toute une génération. Oui, oui, complètement, ouais. Donc là, on va attaquer mon dernier titre sélectionné, à savoir La Tempête. Wow. Comme évoqué, c'est un thème sombre utilisé pour les scènes de grand danger, hein, apparaît pour la première fois dès l'épisode 1. Alors, Murdoch, je te sais client de ce titre, est-ce que tu peux un peu nous dire ce que t'évoque le titre La Tempête? Tout est dit dans le titre et dans la description, c'est-à-dire que c'est un thème qui est effectivement très sombre, et moi qui me rappelle quand ils sont vraiment dans la grosse mouise, genre... Là, on est à ça de l'ouragan. Ouais, voilà. Il y a la Terre, il y a la fin du monde qui approche et c'est maintenant quoi. Yannick, si tu veux également nous dire quelque chose sur le titre La Tempête. Ah oui, ouais, c'est un thème qui est terrible ça. Ça me fait rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait de connaître les morceaux à la télé et le fait de les entendre sur un CD. Je l'avais entendu forcément plein de fois dans la série. Et quand j'ai pu enfin avoir le CD de AK Vidéo, je me suis dit « Oh la vache, en fait, il y a plein de temps que j'entendais pas, quoi. » Par rapport à ce que t'écoutais à l'époque, qu'est-ce qui a changé dans ta réinterprétation ? En fait, c'est pas ma réinterprétation, mais c'est la première fois que j'ai entendu le titre sur CD. Mm-hmm. J'ai complètement redécouvert le morceau. Pourquoi ? C'est-à-dire que, par exemple, un truc tout bête, si vous écoutez le morceau à la télé, vous n'entendez pas forcément qu'il y a une espèce de grosse caisse qui vient à la fin, qui vient appuyer le truc. Et si vous écoutez le CD, vous l'entendez. Ah oui, oui. Et ah, c'est plein de détails, en fait, comme ça, qui font que, je me dis, je suis quasiment sûr que si aujourd'hui on avait la possibilité d'entendre toutes les musiques avec un bon son, stéréo et tout, on redécouvrirait, les morceaux. Alors là, on va passer donc au dernier difficile choix de Murdoch, à savoir le Nouveau Monde. C'est le thème qui reprend principalement le générique de la série, mais aussi le morceau intitulé « Course-poursuite ». Et donc, il apparaît pour la première fois à l'épisode 5. Murdoch, pourquoi ce titre ? Eh bien, parce que j'aime bien le côté printanier du morceau. Ça rejoint aussi quelques morceaux que j'ai choisis. Ça reprend un côté bien tendre et doux. Et je trouve que c'est un morceau qui me plaît pour ce côté-là. C'est vrai que tu le mets en exergue avec le titre La Tempête. Là, on est à l'antithèse de... là où la tension allait retomber. Tout le monde va bien, on est bien. Les fleurs poussent, tout va bien. Yannick, également ton ressenti sur ce titre ? Alors, c'est pas mon préféré, mais c'est un morceau qui est doux, qui est mélancolique. Comme je le disais au début, je suis pas du tout objectif. Pour un dessin animé, des morceaux comme ça, c'était quand même des morceaux de qualité, quoi. Et c'est exactement ce que j'allais souligner, parce que j'allais dire... Il n'y a pas de déchet. Par rapport à la pléthore de titres qui ont été composés, il n'y a aucun titre, me concernant, je trouve, qui est vraiment à mettre à la poubelle. Alors là, on a fait un petit peu nos différentes sélections. On a longuement parlé de ton travail chez Logarithme. Donc là, on fait un petit saut en 2008-2009, parce que tu vas nous expliquer, j'espère, pourquoi, mais tu décides de reprendre ton travail à zéro. La première question est, pourquoi ? Parce que... Mais pourquoi est-il si méchant ? Je voulais faire un truc simple. Non, en fait, parce que... Alors, je sais plus. Je sais plus exactement pourquoi. Je pense que j'ai dû revisionner la série à ce moment-là. Et j'ai dû me dire, mince, on n'y est pas, quoi. Donc, on était resté, pardonne-moi, mais par rapport à ce qui avait été pressé chez Loga et quand tu as décidé de reprendre le travail, peut-être que tu avais acquis du nouveau matériel ou alors tu es reparti, des fichiers existants. Ah non, parce que... Alors, le truc complètement dingue... mais ça fait partie de ma personnalité, c'est que quand j'ai terminé le projet Logarithme, j'avais, je sais pas, l'équivalent de 300 CD de sauvegarde, de machin, de trucs, des disquettes, des trucs, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, faut que tu passes à autre chose, parce que tu te rends pas compte le temps que ça te prend, tout ce truc, c'est bien dingue. Et j'ai fait un grand sac poubelle, j'ai tout mis dedans, et j'ai tout foutu à la benne. Donc, plus aucune trace, plus rien. Plus de master. Non, mais c'est vrai, je crois qu'il me reste une... De mémoire, si je fouille dans mon grenier, il me reste une disquette avec un morceau quoi que je pourrais garder nulle part, parce que de toute façon, j'ai plus de lecteur de disquette. Il y a eu une époque où, c'est vrai, je me suis dit, putain, mais ça t'a pris tellement de temps, tout ça, c'est de la folie... Ah bon. Je pense qu'il faudra poser la question d'ici quelques temps à David Collin, voir comment il perçoit les choses, mais je pense qu'il aura certainement une espèce de... C'est vrai qu'il y a des parallèles à faire. Ouais. Et du coup, ouais, donc là, 2008, tu t'es réveillé, t'es repassé sur une chaîne du câble et t'es dit, oh là, j'ai trop envie de me remettre dedans. Ouais, qu'est-ce qui t'a motivé à te... Peut-être, évidemment, par rapport à l'époque, le matériel a évolué, donc peut-être plus facilement... Enfin, plus facile de faire des compos. Tout simplement, as-tu acheté le matériel également ? Oui, mais en fait, je pense que déjà, il y a eu le visionnage de la série à nouveau. Mm-hmm. Et je pense aussi que ça doit être l'époque où David a commencé son projet. Ah oui, bah oui. Je sais plus comment j'avais eu... Je crois que c'est Olivier qui m'avait dit « Tiens, écoute ce que fait ce mec-là, dis-moi ce que t'en penses. » Je m'étais dit « Le mec, il va passer par les mêmes phases que moi, quoi. Il est presque... » Et en même temps, je lui dis, mais il a raison, quoi. C'est quand même des musiques qui sont terribles, ça vaut le coup de s'y remettre, quoi. Oui, tu comprenais complètement sa démarche pour avoir fait la même chose sur un dessin animé différent. Ouais. Après, voilà, moi, j'ai pas plus d'affinité que ça avec les musiques du Ys 31, à part les morceaux composés par Chucky Levy. Je crois même qu'on avait discuté, tous les deux. Je lui avais dit, mais est-ce que tu comptes reprendre les morceaux de Chucky Levy? Je crois qu'il me disait, non, je prends que les trucs... Des Denis Croquet. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, je m'étais dit, les morceaux de Chucky Levy, ils sont quand même dans la veine des Cités d'Or, ils sont vachement planants, ce serait cool de les refaire. Et puis j'ai commencé à refaire ça et tout, et puis à un moment donné, je me suis dit, attends, je vais pas lui faire de l'ombre, c'est son travail, peut-être qu'il aura envie de les refaire lui-même, donc j'ai laissé tomber. Et puis j'ai eu la chance, voilà, de pouvoir me racheter du matos. C'est-à-dire, quand tu dis de racheter du matériel, on parle de quoi? D'ordinateurs récents ou... Non, pas du tout, du matériel analogique. Ah, c'était déjà rare non, en 2008, non? Ouais, en fait, le premier truc que j'ai acheté, c'était lié aux Cités d'Or. En fait, c'est marrant parce que je me rends compte que finalement, j'ai beaucoup d'achats analogiques qui ont été liés aux Cités d'Or. C'était une Lindrum, c'était une boîte à rythme, en fait, qui a servi pour tout ce qui est séquence rythmique des Cités d'Or. Et c'est aussi une boîte à rythme qui a servi, enfin, on l'entend dans toutes les productions des années 80, que ce soit du Gainsbourg, du Wham, enfin, voilà, on l'entend, Michael Jackson l'a utilisé aussi. C'est vraiment le son des années 80. Mais tu connaissais déjà ce matériel ou tu l'as acheté et puis tu t'as pris entre guillemets sur le tas? Ah non, mais j'ai fait un travail de recherche de dingue. Ma seule source, c'était le son de la série. Mm-hmm. Mais bien avant que je m'y remette. Hein. Déjà, quand j'étais avec mon pauvre JP8000, je me disais, mais avec quoi ils ont fait ça? Quel matos? J'y connaissais rien. Puis en discutant avec des gens, j'ai commencé à avoir des débuts de pistes, des trucs, des machins. Et donc, je me suis acheté cette fameuse Lindrum parce que, bon, bah voilà, j'adore le son. Et c'était mon premier investissement, en fait. Et t'as acheté d'autres matériels depuis Ah oui. Plus j'écoutais les Cités d'Or et plus je me demandais, mais comment ils ont fait tous leurs instruments qui ne sont pas des instruments analogiques. Les violons, les flûtes. Et quand j'écoutais les morceaux, je me disais, mais c'est pas des vrais instruments. C'était pas possible, il y avait des effets qui faisaient que on peut pas jouer ça à la flûte. Et je me suis dit, c'est forcément un sampleur ou un machin de l'époque. Et j'ai cherché plein de vidéos, plein de trucs sur les vieux sampleurs pour essayer de retrouver. Je trouvais rien. Et puis un jour, je cherche sampleur, début années 80, et je tombe sur une vidéo de Vangelis. Je le vois jouer sur une machine, donc il avait volontairement masqué le nom qu'on trouve à l'arrière par une espèce de bout de scotch. Mmh. Et je l'entends faire des trucs et tout, puis jouer 2-3 timbales comme ça au clavier. Et ça, c'est les timbales des Cités d'Or. C'est vraiment le son qu'on entend dès qu'il y a les timbales, on entend beaucoup dans la musique, Le Grand Héritage, justement. Oui. Musique assez dure, quoi. Ça y est, j'ai trouvé, c'est sûrement un sampleur qui a utilisé Vangelis. Donc j'ai regardé partout, qu'est-ce qu'il a utilisé. Alors là, quand on tape liste des instruments de Vangelis, on tombe sur un milliard de synthés. On se dit, bon, bah, c'est même pas la peine. En tapant sans pleurs, je suis tombé sur des trucs et à un moment donné, je me suis dit, oh là, la machine, vue sous cet angle, elle ressemble à la même machine qu'il avait quand il a fait ses deux notes, là, de timbale. Et cette machine, c'est l'émulator. Donc, c'est une première machine qui a été créée par Emu. En fait, c'était l'un des premiers sampleurs abordables pour les compositeurs. Et ça, c'est un matos de quelle année ? De 81. Ah oui, d'accord. Ouais. Ce qui explique pourquoi on ne l'entend pas du tout dans les compositions de Chucky Levy pour Ulysse 31. Ulysse 31, c'était plus tôt, ouais. Ouais, et là je me suis dit, bah alors attends, ça se trouve, tout ce qui est trompette, tout ce qui est flûte, ça vient de cet instrument-là. Et je me suis renseigné, machin, j'ai réussi à tomber sur une démo, et là je me suis dit, mais ça y est, j'ai trouvé le truc. Les violons si particuliers qui sont joués dans les Cités d'Or, bah c'est ce truc-là. Je dis violon, mais j'ai un espèce d'effet où t'as l'impression d'entendre un peu des dauphins. C'est ça aussi ou pas du tout ? Non, pas du tout. Si tu prends le titre, Les Feux de Saint-Elme, tu as cette basse en fait qui est présente et t'as la mélodie qui est jouée par un violon en fait. Et je pouvais pas y arriver, mais forcément parce qu'en fait, à l'origine, c'est un sample de violon joué à l'unisson, donc de plusieurs violons en fait qui jouent la même note. Et la texture vient du sampleur qui fait que c'est pas compliqué, vous mettez la disquette dans l'émulateur, vous tapez sur la touche, même sans mettre un peu de reverb ou un petit peu d'effet. Tout de suite, pouf, c'est les Cités d'Or. Ah oui, d'accord. Et en fait, c'est une machine super rare qui a été construite à 500 exemplaires à l'époque. Et il s'avère qu'en fait, j'ai eu la chance de racheter une machine qui était en mauvais état. Et une deuxième, j'ai vraiment eu un coup de bol d'un type qui, à l'origine, l'avait préparé pour un musée. Et le mec me vendait toutes les disquettes qu'il y avait, c'est-à-dire plus de 400 disquettes. Alors que les gens qui, à l'époque, achetaient l'émulateur, c'était un sampleur, donc c'était plutôt fait pour créer ses sons soi-même. Mm-hmm. Et bien, en fait, l'émulateur, quand il est sorti, il existait une banque de sons d'environ 120 disquettes. Et les gens qui achetaient l'émulateur avaient uniquement les 10 disquettes de base. Donc, voilà, c'est ça, complètement. Je l'ai fait réparer parce qu'il fallait absolument qu'il refonctionne. Donc la personne qui me l'a réparé avec deux émulateurs m'en a fait un. Du coup, j'ai pu avoir accès à toute la banque de sons d'émulateurs. Honnêtement, je pense que je suis quasiment le seul au monde à avoir toute cette collection. C'est un truc de dingue parce que c'est aujourd'hui, si vous achetez un émulateur, vous n'aurez pas forcément les disquettes qui vont avec et au mieux, vous en aurez 10. D'accord. Après, au risque de dire une ânerie... Là, on parle d'un matériel physique, mais avec des disquettes. Donc déjà, quid de la pérennité du support, parce que le support magnétique vieillit très très mal, hein, je t'apprends rien. Ouais. Et ça, j'imagine que ça doit exister en version numérisée, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, un CD avec le contenu de ces disquettes, par exemple. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vu que je suis sur plusieurs forums musicaux, une société a eu vent de ma collection et est venue chez moi pendant deux jours pour sampler toutes mes disquettes pour en faire une version virtuelle. Ah oui. Voilà. Donc moi j'avais à l'époque j'étais en contact avec un Tchèque qui avait la même machine que moi et on s'est envoyé nos disquettes pour les numériser. Donc moi j'ai ma propre banque de sons aujourd'hui. J'utilise pas la machine qui est très capricieuse hein, parce que c'est quand même un espèce de gros dinosaure de 40 kilos. Ah oui quand même. On a du mal à visionner le truc. Et aujourd'hui, tu arrives à l'émuler sur ordinateur, entre guillemets. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, j'ai tout numérisé. Donc, je l'utilise de la même manière que j'utiliserais mon émulateur. Sauf que là, avec la façon dont je procède, je peux l'utiliser en MIDI. Ouais, c'est vraiment une machine qui a marqué son époque. Voilà, il y a une empreinte musicale. Ah, mais complètement. Et d'ailleurs, c'était un petit peu la marque de fabrique de Chucky Levy. Dans toutes les productions qu'il a pu faire à cette époque-là, on retrouve les mêmes sonorités. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà comparé la BO des Maîtres de l'Univers. Évidemment, c'est ce que j'allais te souligner. Ouais. Il y a des titres, tu as l'impression même que c'est des repompés. Complètement, ouais. Tout ça est vraiment amplifié par le choix de ce synthé qui a vraiment sa sonorité à lui. Entre parenthèses, la BO de Musclor est très sympathique aussi. Ah bah complètement. Bah, j'envisageais de la refaire. Vu qu'elle est sortie Elle est sortie, ouais. Ouais, elle existe, je crois, en CD. Ouais. Il me semble qu'il y a, il y a une édition CD, un double CD de, je te dis, de mémoire. Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. Il y a un double CD, en fait, mais alors, une fois de plus, c'est des bandes internationales, ce qui servait, en fait, pour comment ça s'appelle poser les doublages. Voilà, pour poser les doublages et les coutages. Ouais. Donc, tu as des bruits parasites. Donc, il y a quelques pistes en stéréo et tout le reste, c'est de la mono. Ah ouais, donc, bon. Alors, donc là, on arrive doucement, mais sûrement à la fin de l'émission. Enfin, on a quand même une question, parce que, bon, évidemment, tu connais le projet qui s'est concrétisé concernant David Colin, hein, sur l'édition CD et le Saint Graal vinyle. Est-ce que tu as projet un jour, peut-être, de faire éditer ton travail une nouvelle fois? Alors, ça, c'est un truc qui me ferait vraiment plaisir. Mais alors, il y a plusieurs conditions. Alors, moi, j'impose ma condition. Je veux un double vinyle, direct. Non, mais ça me plairait vraiment. Vraiment, c'est un truc... Bah alors, voilà, il y a deux conditions. C'est que la première, il faudrait que je sois, moi, satisfait du résultat, ce qui n'est pas encore le cas. Et puis, la deuxième, bah, ça serait que l'équipe qui possède les droits soit d'accord. Ah oui. Et ça, c'est une paire de manches. Et ça, c'est pas la même musique, si je puis me permettre. Donc, pour conclure, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que même si je parais toujours assez insatisfait du travail, c'est qu'il y a quand même une grande dose de plaisir à refaire tout ça. Aussi le plaisir de découvrir des choses comme bah, la synthèse analogique, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé. D'ailleurs, j'en profite pour remercier François Plante qui m'a vraiment aidé à ce niveau-là. Il donne des cours en fait sur Skype, des cours de synthèse analogique. Donc, il m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis, quand j'ai pu m'acheter mes machines, de ne pas être complètement à la rue et de savoir exactement, enfin, de pouvoir mettre des mots déjà sur ce que je faisais, moi, de manière un peu intuitive. Et puis, autre chose, c'est que ça m'a aussi permis de découvrir pas mal de monde, faire connaissance de gens vraiment sympathiques. Je pense à des gens comme Gwenaël, Olivier Fallet, Damien Trémollet, Philippe Fenech, que je salue, qui est un excellent dessinateur, François Plante, bien sûr, David Colin, et puis je remercie aussi mon ami Stéphanie, qu'on a vraiment bouffé, hein, des Décidédeurs, parce qu'il faut se mettre à sa place aussi. Il y a quand même eu des moments où je rematais peut-être 7-8 épisodes tous les soirs, et je pense qu'elle avait peut-être envie d'autre chose. Ça reste malgré tout une superbe expérience et j'ai pas encore terminé tous les thèmes. Il doit m'en rester une petite dizaine si je dis pas de bêtises. Donc pour l'instant, je suis pas, on va dire, dans une dynamique. Enfin, c'est voilà, pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by parce que je suis pas dedans, tout simplement. Mais je vais m'y remettre et je pense que je vais continuer à faire mes petites versions, mes petites déclinaisons. C'est sur cette note que l'émission va clôturer. Alors donc, encore une fois, Yannick, au nom de toute l'IT team, mille merci d'avoir accepté de venir papoter de cette passion qu'est la musique des Mystérieuses Cités d'Or. Hein. Comme tu as pu l'entendre, on est aussi friands que toi, en tout cas. Peut-être moins que toi, mais en tout cas, on est au moins aussi fan de cette musique, hein, parce qu'on te sent vraiment extrêmement client. Habité, voilà, c'est le terme que je cherchais. Oui. Murdoch, mille merci de m'avoir accompagné sur ce numéro. Merci. Et en plus de ça, en plus de venir papoter sur nos ondes, chers auditeurs, sachez que pour le coup, pour le générique de fin, ça va être une composition originale spéciale pour 80's le podcast, composée par Yannick, que nous allons vous proposer. Alors je vous dis à très vite, à très bientôt, ciao ciao. Au revoir. Salut.